Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in mid-air. Where are the clowns? Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps steering around, one who can't move. Where are the clowns? Bisous bisous à vous deux, c'est Marie. On vous fait des gros bisous, profitez bien de vos vacances au soleil. Félicitations, très beau mariage et profitez bien surtout du voyage de noces. Merci pour l'invitation. Félicitations, bon mariage, bon voyage de noces et merci pour l'invitation. Bravo pour votre mariage, je vous aime très fort. Gros bisous. Coucou mon chéri, je t'aime. Coucou le mari de ma chérie. En fait, c'est belle-maman qui est là. Belle-maman, elle parle sérieusement. Je suis très heureuse, très très heureuse de votre mariage à tous les deux. Je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite beaucoup beaucoup de bonheur. Je reviendrai quand je suis compris. Nadine, elle pique les verres de tout le monde. On que ce mariage. Non, elle réfléchit parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Daniel, elle a peur. Jean aussi, il a peur. Daniel, elle veut réfléchir avant. Nadine, elle voudrait réfléchir mais elle ne peut pas. Alain, il dit qu'il sait qu'il faut appuyer mais il ne sait pas. Bon, j'aimerais bien que tu me répondes. Bisous, bisous, bisous, Bernadette. Allez, beaucoup, beaucoup de bonheur, Pierrette. Beaucoup de bonheur aux jeunes mariés. Christian. Bon, ben, écoutez, c'est d'abord un essai. On va y revenir. Hein. Alors, il est 8h20, on fait un test, là. On revient. En fait, on aimerait bien se réécouter. C'est surtout ça le problème. Bon, puisqu'on peut pas se réécouter, on va essayer de faire un cadavre ski. Écoute, Lélex. Lélex, on va te raconter une histoire. L'histoire d'un mec pas tibulaire, quoi, mais presque. Ce mec, il était roux. Et il voulait épouser une belle femme. Le roux, bien sûr. Sur la table. La table en verre. Verre de terre, bien sûr. Bien sûr, hein. Surdoué comme toi. Le toit de la maison au fond de la prairie. Rigole mon ami. Mimolette. Il y en a qui disent n'importe quoi. Quoi faire? Faire des champs, bien sûr. Sûrement qu'on l'a déjà dit, ça. Ça m'étonnerait pas. Papa, il y a papa qui vient d'arriver. Ben, tous mes vœux de bonheur. Oh non, tous mes vœux de bonheur. C'est l'heure du sommeil pour César. Je voudrais pas balancer, mais je crois que César, il dort depuis un bon bout de temps. Mais on va le réveiller, le chercher. Avec une petite coupe de champagne. Il va pouvoir te dire un petit mot gentil. C'est ton nouveau jeu, Alex. Ça se fait rigoler. Il s'imagine que vous allez lui répondre. Jean-Louis a dit... Pierre, il a toujours les mains occupées. Mais là, on s'égare du jeu, là. Je chante. Chante, chante, chante, chante avec ta voix. Et tu tapes, tapes, tapes, tu tapes avec tes mains. Et tu penses avec je ne sais pas quoi dire. Dire que l'amitié dure, même si il y a des absences, c'est beau. Beau comme votre mariage, c'était super. Super mal est arrivé. Avec sa cape. Et c'est bras. Bras dessus, bras dessous. Les nouveaux mariés sont très heureux de commencer leur vie ensemble. C'est quoi cette histoire? Ouais. Donc ensemble. Ensemble. Bon, mais les nouveaux mariés, j'espère que vous allez galoper, hein, que ça va être super au radada, hein, bon courage, et puis on verra ce qui va se trouver à l'arrivée un beau garçon ou une belle fille. J'aimerais voir ça. Bon, ben, allez, salut. À vous de jouer tous ensemble. Tous ensemble, nous ramassons des pâquerettes. Pâquerettes, marguerite, jonquille, violette, rose, jasmin, glycine. Ouais, pourquoi pas. Et... Ah, j'oubliais. Orchidée. Dédé, comment ça va? Ça va et toi, Jean-Marc? Écoute, je trouve que t'as vraiment changé, hein, mais... Bah bon, t'es toujours fidèle à toi-même, hein. Salut, Dédé. Je t'ai amené Bernard, qui vient, en fait, te souhaiter aussi, ainsi qu'à Anne-Laure, un très bon mariage. Voilà, hein. Je te passe Bernard, là. Ah, c'est chouette, mais il est où, Bernard, là? Il arrive. Ok. Attends. Bernard! Oh, salut, Dédé. Félicitations, hein, pour tes eczémas. Tes examens. Ah, merci, c'est... Ouais, bon, c'est pas tout à fait ça. Non, mais tu t'es gouré, là, c'est pas ses examens, c'est son mariage. Touloulouloulou, il est 8h05 et tout de suite la météo avec... Un petit problème technique, excusez-nous, on revient. Ça marche, là? Avis de force 3 sur sol nord, sol sud et ouest Bretagne. Houle forte de 3000 milles par 1200 mètres de long. Et attention, un grain est prévu aux alentours de 23h au large de Ouessant. Attention. La SNSM n'est pas prête à venir vous sauvegarder. Hein? Faites bien attention. Merci, c'était Joël Local d'eau pour la météo locale. Et tout de suite un flash info qui nous vient tout droit de d'outre-mer. On parle à qui? Allez-y. Oh, petit machin noir là. Bonsoir, c'est une information dernière heure, les escargots en boucle d'oreille. Elles partent comme des petits pains. Les voici. Magnifique. Ciao. Merci. Et donc, pour suivre, nous avons une nouvelle information de même, d'outre-mer. Oh, j'ai faim, les Lex. Ok. Alors, aux dernières nouvelles, à chaque fois que Mara fait une photo et qu'elle veut l'effacer, elle prend sa jupe et elle l'efface sur l'écran. Et ça marche. Ce sont les nouvelles de 18h45. Merci. Rectification 20h19. Que je me hausse. Qu'est-ce que je peux leur dire? Est-ce que oui? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Oui, de beaucoup de bonheur, oui. Alexis et Anne-Laure, je vous souhaite beaucoup de bonheur et j'espère encore vous voir longtemps, maminou. Juste, Alexis, passe-moi le sel. Anne-Laure, t'as sorti les poubelles? Alexis, tu m'entends? Alexis? Le CD est bloqué. La cassette. La cassette est bloquée. Je répète. La cassette est bloquée, ça enregistre tout le temps ou ça fait avance rapide, je sais pas. Mais viens faire quelque chose. Alexis, tu m'entends? Je vous ai dans la peau. Y'a rien à faire. Mais il marche, hein. Salut Alex. Bonjour Alexis. Salut Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Comment ça va? On est très content d'être là. Super content. Alex, est-ce que t'aimes le café? Parce que si tu veux, j'ai une petite chanson sur le café. Mais il n'y a rien là-dedans. On regarde le vide. Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve. Arriba la cafetera con el café. Café, café, café, con leche café. Oh oui. Chocolate con media luna, me gusta usted, chocolate, ay café, chocolate, ay café, chocolate, ay café, chocolate, ay café. Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve, arriba la cafetera con el café. Chofi, kofi, chofi, chofi, chokoji, chokabiti, puti, kichu, kiti, potalo, tiki, tu, chou, papa, chou, chou. Alexis, Alexis Malbert, s'est marié avec Anne-Laure Bourgoin. Ouais, ben coucou, ben c'est Doudou, et ben je vous parle avant que la soirée soit un peu trop chaude, pour vous féliciter surtout, et puis vous dire merci, et voilà, on passe à un moment excellent, et puis à tout à l'heure certainement, ciao. Bonjour, bonjour. Les photos étaient super, vous étiez tous très bien. Bonjour. C'est super, le mariage, il est trop bien. Arrête ton sourire. Prêt, 1, 2, 3, c'est parti. La quoi? Comment ça s'appelle? Bah, ça s'appelle quoi? La quoi? La charrette, non? Bah oui, la charrette. La charrette, elle est super. Roulotte, andouille. Et enfin, la roulotte, elle est superbe. Et c'est trop bien votre mariage. Vas-y, vas-y. Oui, 1, 2... Bon mariage. Bon mariage. Voilà. Ouh. Alors, Malone, ben maintenant mon Alex, ça va être la même chose. C'était super. Je suis en train de lire ce que vous trouvez. Vive les mariés. Break, break, break. Je te vois. Coucou Alex. Coucou, regarde, tu le vois. Coucou Alex. Coucou Alex. Coucou. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais. Allumez le feu. Allumez le feu. Et faire danser les gars et les yeux. Allumez le feu. Tu chantes avec moi parce que moi, oui, je fais l'air. Chanter, hein. Je veux dire, c'est très clair. 3, 4. Una mattina, sono svegliata. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi sono svegliata e ho trovato l'ibazor. Giano, portami via. E voilà, c'est fini. Lasciatemi cantare, solo uno piano piano, lasciatemi cantare, sono un italiano vero. E bastate un'amora canzone, una zanciona panzone. Ora che stiamo ti taffi, ora che namo solo ti. Reviens. Salut, bienvenue sur l'enregistreur et tout de suite on va s'écouter. C'était super sur Radio Merle FM et dans le même genre, on va s'écouter. C'était super. Et tout de suite, on s'écoute. Tout de suite, maintenant, on s'écoute. Lexi, Lexi, sexy, Lexi, ton ton ding, sexy, sexy, Lexi. Mon chéri, je t'aime. Il y a quelqu'un. C'est rigolo parce qu'on voit le trou et on a l'impression qu'il y a des gens qui vont nous parler. Attends. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et c'est bien comme ça. Ouais, t'es jolie là. C'est on pourrait beau, presque toi. Faire une photo. C'est bien. Parce que ouais. D'ici, ça fait comme un cadre. Bah, moi aussi, ça fait comme un cadre, sauf que t'as un nez noir. Un grand nez noir. T'es beau. Oh, t'es belle. T'es mon mari. Ah, t'es ma femme. Ouais. Oula. C'est top. Bon, allez, on fume. T'as tiré? Ça va? Non, ça va pas de tu peux enregistrer un message en fait. L'espèce de comateuse bizarre, c'était Bénédicte Royou. Domicilié au Moulingerie 87 700, ex-sur-Vienne. Enfin, pour le moment. C'est le dessert. Alors, espèce d'enculé, tu crois que t'as gagné la guerre? Mais c'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi qui épouserai. Bah non. Bisous, mon lapin. Bisous, les lapins. A bientôt. Allumez le feu. Allumez le feu. Oh merde. C'est un crétin, hein, un petit pote, un petit pote. J'adore ma nounouche. Ça sent le nucléaire une fois. And I will always love you, will I? Et dans le même genre, on va s'écouter. Pam pam padam, pam pam padam, pam pam padam, padam. Oh merde! Funky Town. Sas de décontamination en direction de ta chambre. Moi je pense connaître le secret d'Alexis et Anne-Laure, c'est qu'en fait ils sont pas vraiment mariés et qu'ils sont frères et sœurs. Eh bien, il a buzzé! Claude François n'est pas mort. Il essaye la nouvelle collection de sextoys de chez Playboy. Bon, je vous dis un secret, mais faut pas le répéter. Gros bisous, parce que, oulala, je suis cochée. C'est que c'est Juju, là. Coucou. C'est encore nous. Ouais. Hein, alors on va faire des cochonneries. Ah non. Mais si. Non. Ah si, des cochonneries. Non, ce n'est pas bien. Si, si, allez. Eux, ils doivent aller faire des cochonneries allez, maintenant poil. Qu'ils sont mariés. À poil. Ouh, on fait des trucs avec le sexe, avec les sexes et tout, tu vois. C'est chaud, c'est chaud. Les boucs aussi. L'ossobuco aussi. Et puis tout ce qui finit en bouc. Mais Bastien, lui, non, il fait pas. Il fait pas, Bastien. Bachibouzouk. Il faut picoler. Il faut picoler, hein. Captain Hook. La blanchisserie, vite cook. Attends, sur le Dijon, t'es rabrûlé. Au secours, au secours. La teste de bouc. La tête de bûche. Bachibouzouk! La soirée Masbrook! Bande de Bachibouzouk! Putain, quel look! Thor, il pue le bouc! Merci Anne-Laure et Alexis pour cette belle et grande journée! Vas-y, vous êtes prêts à chanter? Yep! Yeah! Ça y est, on est avec tous vos amis à Alors à Nora et Alexis, alors on vous souhaite une jolie vie. Allez, allez. Et on ramasse du houx avec Nora et Alexis. On se retrouve tous dans le des pâquerettes un jour. Et c'est quoi ce rodateur là? J'ai mis une pièce, il m'a pas donné de ticket. La two hit. Les lanternes étaient très belles. Bravo. C'était très très très joli. Ça m'a beaucoup plu. Alexis et Anne-Laure, nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, ouais. En direct de Cognac Jack. Nous, on vient faire un lâcher de ballon, c'est trop beau. C'est vraiment très, très beau. On vient de voir s'envoler les ballons, ils sont trop beaux à l'image de votre mariage et des jeunes mariés, c'est magnifique. T'as vu, c'est rigolo, on voit des gens à travers ta boîte. Oh, il y a des gens. Coucou les gens. C'est rigolo. Ah non, oh, c'est pas beau. Oh, ah, ah, faudrait adapter un système de photos là-dedans. Ah bah putain, faut. Putain. C'est pas ce photo bâton en même temps. Ah ouais, ouais. Bah, c'est oui. Joyeux anniversaire, Johnny. Tout de suite, on s'écoute 7e concerto en si bémol majeur, concerto symphonique bien sûr, de Johann Wilhelmstrauf. Tout de suite, on s'écoute. C'était super ce concerto, c'est bien le majeur de Johann Wilhelmstrauf. C'est super. Stop, arrête. Ouais. On l'a compris. Merci. Ce soir, c'est un superbe engagement. Un peu de shit. Du shit. J'ai pas de shit. T'as de la beuh? T'as de la beuh? T'as de la beuh ou bien? Ça c'est un ticket de le Saint-Chamnin. C'est un ticket de métro. Apprends, c'est un ticket de métro. C'est la tradition. Mon fils, je vous écoute. Je vous écoute, mon fils. Quels sont vos péchés? J'ai péché. Ah, qu'est-ce que t'as péché? Des carpes ou des brochets, gros con? Une belle cuite. Ah, une belle cuite, hein, t'es mal barré. Bon, à part ça. Ah ben, je sais pêcher que ça, comment ça se fait? Ah, c'est pas possible. La pêche au gavion, là. Dites-moi comment faut faire. Un verre après l'autre, gros con. Tu tires ou tu pointes? Eh, j'espère que t'as peuille, hein. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Ah, c'est un peu galère, c'est bon, ça. Bon, alors, quels sont vos péchés, mon fils? Allez, rôder, je me vois à vous comme maire de Limoges, mais je vous emmerde un petit peu. Et j'espère que ce sera plus le PSG qui sera... Il sera victorieux, le championnat. Hein. Bon, c'est normal, voilà. Ne t'inquiète pas, les Arabes sont plus là. Regarde, j'ai pas la barbe, tout va bien. Ils vont pas rester longtemps. Mieux, j'aime pas trop ça non plus. Non, mais les Arabes vont pas rester longtemps. On va les virer, hein. Ça fait belle lurette, on a déjà essayé. Hein? Parlez dans la boîte, là, j'entends rien, là. Alexis, il y a ta boîte qui t'appelle. Bon. Quels sont vos péchés, mon fils? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à confesser? Je trouve le champagne trop bon. Trop bon, c'est trop con. Si tu veux, mais pas longtemps. Hein. C'est tout ce que t'as. C'est tout ce que t'as. C'est tout. C'est tout. Ah bon, non, mon Dieu. C'est bonsoir. Tout. Ben écoute, franchement, tu viens te marier, je suis sûr que t'as fait plein de bêtises. J'ai plus quoi dire, moi, la soirée est tellement parfaite. Raconte-moi un peu ces toutes bêtises là que t'as faites. Faut même pas râler ce soir, c'est faux. Mais parle à ton Brenda, bordel. Mon fils, vous êtes exonéré des impôts. Même temps de Brenda, elle danse et tout ça. Bon, ça marche pas, il répond pas. Exonérer un RMiste en même temps. C'est un juste retour des choses. Tu restes appuyé. Bah ouais, puis tout à l'heure on a pris. Champagne. Jacuzzi, cognac. Oui, bonsoir. Alors, je voulais souhaiter tous mes voeux de bonheur à Nora et Alexis. Qui vont être très heureux, avoir plein d'enfants. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui. Bah, peut-être des enfants, je ne suis pas sûr, hein, d'ailleurs. Ça c'est possible, parce qu'on commence à être vieux. Et on sait bien qu'aux alentours de 30 ans, ça commence à foirer. Et ils sont bien sonnés déjà les 30 ans. Donc à mon humble avis, ils en chanteront pas. Peut-être qu'ils feront un trisomique, mais c'est même pas sûr. Hein. Donc c'est même pas sûr. Hein. Non, mais c'est même pas sûr. Hein. Et alors donc moi je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils adoptent. Et pour adopter, j'ai un fils, par exemple, j'ai un fils. Je sais pas trop quoi en faire. Je pense qu'il pourrait bien se le taper, quoi. Là, il est pas... Mais il est bien. Ça, c'est le déchet. Oui, d'accord. Merci pour ces belles paroles. Je voudrais un menu Best of Big Mac avec une grande frite et un coca, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voudrais le numéro de téléphone de la municipalité de Limoges, s'il vous plaît. Vous parlez, monsieur Alain Rodet. C'est au sujet du mariage. Merci de me rappeler. Oui, bonjour, il y a un lampion là qui vient de foutre le feu à mon tracteur dans le champ là. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas c'est qui les cons là qui ont envoyé ça à côté là, ça va être encore un mariage. Non mais c'est scandaleux hein, moi je vais attaquer un coup de fourche. Non mais c'est pas des écolotes. C'est encore un coup des écolos là. Reviens à l'enregistreur. Bordel de merde! Y'a Bastien, il a oublié de se faire le ticket de métro. On l'aime bien au village depuis que le chien est mort. C'est lui qui va chercher les pierres. Qu'ils aillent vivre au village, tous ceux qui veulent des chiens et des enfants. I will stay! Be my girl, go my world. You don't have to be rich to be my girl. Go, be my world. Yes. No, you don't have to be cruel to use my rope. I don't have to. Je buzz le secret, Anne-Laure et Alexis sont amoureux. Je crois bien, un petit peu. Should I stay or should I go now? I stay! Kung Fu Fighting! Ouh! Ha! Il est au joint! T'arrives trop tard! C'est pas possible! Ça devient la parole! Tu marches? Allez, on y va là. Faut pas le dire, mais franchement, ils sont tous bourrés, quoi. Ouais, même ceux du fond. Ouais, surtout ceux du fond. Mais où est la mariée, bordel de merde? Madame Malbert, Madame Malbert est demandée au rayon fromage. Madame Malbert! Anne-Laure Bourgoin, va falloir que tu changes ta carte de sport, hein, parce que maintenant, ça ne fait plus. Madame Malbert, oui, bonjour, ici la crèche. Votre enfant est insupportable, hein. Nous ne pouvons pas le garder, nous sommes désolés. Au revoir. Madame Malbert, vous avez oublié carrément les merguez dans le frigo. C'est nul. Oui, bonjour, Madame Malbert. Oui, c'est votre Virgin Angel. Donc, vous voulez changer de forfait mobile? Vous pouvez avoir des mobiles pas chers. Hein? Alors, on vous rappelle bientôt. Oui, bonjour. Je souhaitais parler à Madame Malbert. Bonjour. Alors, c'est pour vous dire que nous, on est Orange et on peut vous proposer des trucs mieux que je veux dire. Voilà, Madame Malbert, vous n'oubliez pas, vous me rappelez. Donne-moi tes chocolats ou je fais un malheur. Oui, bonjour. Alors, ici, le maire. Le maire de la ville, bon, on n'en peut plus de votre gamin, là, hein, la directrice d'affaires centrales, maintenant vous le cherchez, ça commence à bien faire, hein, elle nous casse les couilles. Non, non, l'amour ne vient pas aisément, il faut y tenir. Changer le flux. Je comprends pas, j'ai tapé mon code, mais je sais pas vers rien qui se. Oh putain, y'a de l'orage! Oh putain, y'a de l'orage! Allô, c'est bien le numéro des pompiers? Dun, dun, dun. Le train express régional en provenance de Lyon-Perrache et à destination de Lyon-Pardieu va rentrer en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Scène 1, acte 3, chapitre 1er. Ah merde, chier, putain de cul! La mégère rentra en pièce. Elle sursauta quand elle voya son mari à peine nu de chez à peine nu. Mais quelle fut sa surprise quand elle se rendit compte que tout était venu de... Son cul! C'est alors que Bébert éteint la lumière et... C'est alors que Bébert entra en scène. Elle dit la musique, elle sent mon cul, elle sent le cul. Non, non, ils disent des conneries. Franchement, c'est... Allez, laissez Bertrand. Voilà, je dénonce pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ouais, pas que nous. Et donc, je remets de l'ordre, c'est belle maman. Ce fut le résultat d'une telle surprise. Et c'est alors que Sir Freddy entra en action. Hey, moi je m'appelle Freddy et j'habite à Aix. Et c'est là qu'une histoire commença entre le héros et la héroïne. Héroïne, parce que la RN 85, en fait, elle traverse les monts en Bazac et elle finit par aller en Creuse. Donc en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Donc en fait, c'est bien donc l'héroïne et pas les reines, parce que... voilà. J'avais bien compris que le héros il peut pas se marier avec une route. Et donc il rencontra sa princesse. Un jour voulut alors qu'elle vint à parler, puisque autorisation lui était donnée. Très chaleureux. Alors moi je m'appelle Freddy et je fais une spéciale dédicace pour Alexis. Écoute bien ce titre mon ami. Il te fera revivre ton mariage jusqu'à l'insomnie. Tout à fait d'accord hein. Pareil. Je peux le faire. Bien sûr vous n'écouterez pas tout le temps cette musique. Ça va, Limoges ? C'est marrant, c'est toujours la même note. Et si on devenait plus primitif ? Bon, après ce nombre de paroles insensées, on aurait bien compris que vous avez eu affaire à des filles hein, pendant quelques minutes. Revenons-en à nos moutons. Donc Freddy d'Axurbeat, toujours prince de sa princesse, voilà. Acte 3, scène 4. Vous êtes sur Kilowatt FM. Chose que le pivot dans la vie. C'est la folie dans les studios. C'est bon, on y est presque. On tient bon, les filles. Une coloscopie au point, ça risquerait d'être sacrément désagréable. Ouais, ça suffit, pas besoin de protocole, on parle de plus. Les ravages de l'alcool. Eh, hey, au fait, un Bastien marié, hein ? Vive le marié ! Il est trop bien ce morceau, je vais l'enregistrer là sur la cassette. Et les miettes de mon sabot arrivent à entrer dans la toile. Ne m'en résume. Je t'aime mon chéri. Un chantier, je m'appelle Teuse. Et toiture. Et l'huile de vidange. Et le tracteur. Quand il pète, il trouve son slip. Quand il pète, il trouve son slip. Quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il retrouve son slip. Même à l'envers, il arrive à péter sur son slip. Sur son slip. Sur son slip. Dans sa voiture, il en a de rechange. Il trouve son slip. Il trouve son slip quand il pète en faisant son slip. il trouve son slip. Quand il va au marché, il trouve son slip. Quand il pète, il se roule son slip. Il trouve son slip. Quand il pète, il trouve son slip. Son slip, il trouve. Quand il pète, il trouve son slip. Il veut dire des choses, mais Brice, il est toujours à l'appareil. Il trouve son slip. Quand il pète, il trouve son slip. Avis aux mariés, avis aux mariés. Je vous souhaite une belle nuit. Ah. voilà. C'est dans la boîte. Oh là, c'est dans la boîte. Merci. Carabine. En plus, c'est vrai, lié. Hein. Ils font des trucs bizarres quand même, les gens. Hein, moi. Il fallait pas les inviter. Et c'est soupe à l'oignon maintenant. Allez, on se casse. La soupe populaire.